Libre-échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine hebdomadaire de la santé, Libre-échange qui est repris, en préparant l'émission, on en parlait, par d'autres stations, confrères, amis, qui ont la sympathie de rediffuser notre émission dont on remercie. Merci aussi à tous nos techniciens parce que sans eux, on ferait pas grand-chose. Merci Lucas en particulier, là, qui est à notre régie. Merci également à nos auditrices et nos auditeurs qui régulièrement nous envoie des petits messages de remerciements, de soutien et d'encouragement. Et je renouvelle ce titre. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez aborder, particuliers qu'on n'aurait pas abordés, ou d'actualité ou d'autres, eh bien n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez les coordonnées sur. Il n'y a pas de souci. Je peux vous donner mon numéro de portable 06 45 58 97 35. Sur lequel vous pouvez m'envoyer un petit SMS, un message. Ça sera avec grand plaisir. Sinon, une adresse mail, c'est president@asso-big-bang.eu. Merci aussi à tous nos invités parce que à chaque fois nous avons des invités qui viennent sur le plateau ou par insert téléphonique, par téléphone, qui sont aussi de qualité, qui font des déplacements des fois de très loin. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet. On arrive en début d'année et j'essaye de renouveler régulièrement ce thème, ce sujet, de le mettre à jour et de sensibiliser les populations, mais aussi nos politiques aussi, sur cette maladie qui est la maladie de Lyme. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau plusieurs personnes et en ligne le professeur Christian Perronne. Bonjour professeur. Nous avons sur le plateau aussi le maître Fèvre, qui est là parmi nous, qui va nous expliquer d'un point de vue juridique, là où nous en sommes. Il y a des actions qui sont menées pour soutenir, justement, d'un point de vue droit, faire reconnaître cette maladie, accompagné avec maître Fouret. Bonjour maître. Bonjour. Oui, bonjour. Forêt. Et aussi Fabrice, qui est déjà venu à plusieurs émissions, qui représente France Lyme parmi nous. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour professeur. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci professeur de prendre du temps justement pour à notre émission. Je sais que vous êtes très très pris par rapport à vos activités. Rentrons dans le vif du sujet. La maladie de Lyme, d'un point de vue, qu'est-ce que la maladie de Lyme ? Parce que pour beaucoup de personnes, ça reste encore un peu flou. Alors, c'est une maladie d'une bactérie qui s'appelle Borrelia, qui est transmise par les piqûres de tiques. Les tiques, il y en a surtout dans la forêt, mais il y en a aussi dans les jardins, et il y en a sur les animaux. Alors, toutes les tiques ne transmettent pas cette maladie, mais il y a beaucoup de tiques qui la transmettent. Et dans la région de Nancy, la Lorraine, l'Alsace, dans l'est de la France, c'est une région particulièrement touchée. Et il y a maintenant énormément de gens qui souffrent de symptômes. Alors, les signes quand on est piqué, une fois sur deux, après la piqûre de tique, va apparaître une rougeur en cocarde qui va s'étendre, augmenter de diamètre. Si on la traite pas, elle peut disparaître toute seule, donc ça n'inquiète pas trop les personnes. Et si on ne traite pas à ce stade, dans les semaines, les mois qui suivent, les gens vont avoir une fatigue inexpliquée, des douleurs qui peuvent changer de place régulièrement, et puis des problèmes cardiaques, neurologiques, et même des paralysies, une dépression, des sciatiques, des problèmes articulaires. Ils vont aller voir différents spécialistes qui, en général, vont dire « c'est le surmenage, c'est la fatigue, c'est la dépression » ou quand il y a vraiment des signes objectifs, vont dire vont toujours trouver un autre diagnostic. Parce que si vous avez des problèmes articulaires, on va dire c'est la fibromyalgie ou la polyarthrite rhumatoïde. Si vous avez des problèmes neurologiques, on va vous dire c'est la sclérose en plaques. Et du coup, les personnes se trouvent en errance médicale pendant des années quelquefois. Beaucoup sont désocialisés, ils perdent leur boulot, quelquefois leur famille. Et malheureusement, c'est le témoignage d'énormément de patients. Ils se retrouvent en psychiatrie parce que les médecins sont désarmés, n'expliquent pas leurs symptômes. Alors justement, Fabrice, nous avons sur le plateau Fabrice qui fait partie de France Lyme, qui soutient justement ces actions pour faire reconnaître cette maladie, apporter aussi des renseignements, des informations pour les personnes qui auraient contracté cette maladie. Tu peux nous parler un petit peu de ton expérience ? Oui, parce que je pour rebondir par rapport justement à ce que le professeur Perron nous dit, et puis... Mais elle a très bien résumé la situation, puisque je suis passé par là, en tant que malade, d'abord avant de faire partie de l'association. Et ce sont les associations et les médecins qui se battent pour nous, qui nous permettent de trouver des solutions médicales. C'est pas la littérature médicale actuelle qui peut nous aider. Donc effectivement, on passe par des phases... de désociabilisation, puisqu'on n'a plus l'énergie pour pouvoir aller travailler. Alors j'ai eu de la chance, je suis resté en arrêt pendant un mois, mais j'ai rencontré des malades qui sont en arrêt depuis plusieurs années. Non pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais parce qu'ils n'ont pas l'énergie et la santé pour pouvoir le faire. Alors, dans ton cas, personnellement, est-ce que tu peux assez rapidement nous expliquer un petit peu la chronologie, comment ça s'est passé pour toi ? Oui, je vais essayer de faire court, hein, parce que ouais. Ça se passe en plusieurs mois, on va dire. Hein. Même année, parce qu'aujourd'hui, tu es toujours sous traitement, il faut le dire. Alors, j'ai été malade en 2012. Oui. Aujourd'hui, on est en 2018, et je continue là, une cure d'antibiotiques prescrite par un médecin que je vois à 600 km de chez moi. Ouais. Voilà. Alors, quels ont été les premiers symptômes ? Alors, les traits sont à peu près tous les mêmes. Grosse fatigue qui s'est installée au fil des temps. Je suis atterri dans un service d'urgence pour une douleur thoracique inexpliquée. Là, on m'a dit que c'était le stress. J'avais rien d'électrocardiogramme, et tant mieux. Ensuite, une douleur abdominale, toujours accompagnée de fatigue. Et puis après, est intervenu des problèmes neurologiques, perte de mémoire, paresthésie au niveau du visage, jusqu'à un soir où j'ai demandé à ma compagne de m'emmener dans un service d'urgence parce que j'avais un délabrement de la face. Je n'arrivais plus à parler. J'arrivais plus à tenir debout. J'avais l'impression de faire une grosse grippe avec des courbatures. Je mélangeais mes mots. Alors ça s'était installé, mais ce jour-là, ça a été une catastrophe. Un jour particulièrement... Voilà. Je suis arrivé dans le service d'urgence. On m'a dit au bout de 7 heures... Bon, après, attention, je travaille aussi dans un service d'urgence, donc je sais comment se passent les examens. On m'a dit que j'étais en parfaite santé, que tout allait bien. Et que c'était pas aujourd'hui qu'on allait me faire un scanner, alors que j'avais l'hémiphase. C'est un peu le comble, parce que toi qui es, je veux dire, infirmier, qui travaille dans le monde de la santé, tu te sens, et en face, on a un mur, si je peux dire, enfin, des professionnels de la santé qui te disent, ben non, tout va bien. Alors, ils ne trouvaient pas ce que j'avais là ponctuellement. Oui. Voilà. J'avais des petits coup troubles de neurologiques. On avait un petit peu expliqué tout ce qui s'était passé ces derniers mois. On m'a plus parlé de burn-out que de maladie, de pathologie. Ma prise de sang montrait des globules blancs qui étaient augmentés, mais c'était tout. De là, 72 heures après, je rentre chez moi en me disant « bon, bah tout va bien, tant mieux », sauf que je n'arrivais plus à me lever. J'avais des crampes nocturnes, enfin j'avais beaucoup de troubles neurologiques inexpliqués. Et puis, je suis retourné dans un autre service d'urgence, là où j'avais travaillé. On m'a envoyé faire une IRM d'urgence, on a pris ma compagne, on l'a mis dans une pièce en lui disant que j'avais certainement une tumeur cérébrale. Parce que je faisais un syndrome méningé. Et puis l'IRM était normal, tant mieux, hein, moi je cherchais pas une grosse maladie. On a commencé aussi à me parler de burn-out. Bon, je me sentais pas non plus en burn-out. On m'a renvoyé chez moi avec une chirurgie de Lyme à faire en ville. Mon état s'est dégradé, je me levais plus du tout. J'ai quand même fait la prise de sang. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui m'a tendu la main, que je connaissais dans un service de médecine, qui m'a dit « viens, on va faire tous les examens possibles ». Tout était normal, j'ai eu une ponction lombaire. Et puis au bout de 15 jours, la sérologie a été découverte et j'étais positif à la chirurgie de Lyme. Sauf que là, le médecin me regarde et me dit « je ne sais pas la soigner ». Donc après, il y a eu des directives, voilà. J'ai eu 28 jours de roséphine, puisqu'apparemment j'étais en phase tertiaire. Et on m'a dit qu'au bout de 28 jours, j'étais guéri. Bon, j'allais mieux, je tenais un petit peu mieux debout. J'ai pu reprendre le travail quand même au bout d'un mois. Et puis, mais je me sentais toujours pas bien. On m'a reparlé de burn-out. Je suis allé faire des examens dans un hôpital local expert au niveau des armées sur les maladies infectieuses, qui m'ont dit que je n'avais pas la maladie de Lyme. J'avais 5 prises de sang positives. Moi, j'ai la chance d'avoir une sérologie positive. Et là, on me dit que ce sont des faux positifs. Terrible. Alors, moi, soignant, je comprends plus. J'ai des sérologies positives, on me dit que c'est un faux positif. Les gens qui ont des sérologies négatives au niveau de la maladie de Lyme, on leur dit qu'ils n'ont pas la maladie de Lyme. On va parler peut-être après. des sérologies. Ouais, on va en parler justement avec le professeur Perron. On va revenir justement dans la continuité. Professeur Perron, permettez-moi une question avant de venir en parler d'un point de vue juridique, là, d'un aspect, on va parler de cet aspect clinique des choses. Est-ce que Fabrice est un cas particulier ou ce sont des cas que vous rencontrez régulièrement? Il y a vraiment des dizaines de milliers de cas comme Fabrice en France et... S'il n'y avait pas le drame des malades derrière, on pourrait vraiment rire du ridicule de la situation des pauvres malades qui déjà ont la chance d'avoir une sérologie positive, parce que c'est pas évident, parce que les tests ne sont pas très bons. Et même quand la sérologie est positive, 9 fois sur 10, les médecins leur disent « Vous n'avez pas Lyme, c'est un faux positif, ou c'est une histoire ancienne, vous êtes guéri, vous avez guéri tout seul depuis longtemps, ça n'a rien à voir avec vos troubles actuels. » Et alors quand les malades, bien sûr, la plupart sont négatifs aux tests sérologiques, là on leur dit « Bah non, si vous aviez une sérologie positive, peut-être qu'on envisagerait le Lyme, mais là c'est pas question. » parce que c'est négatif. Donc, c'est, de toute façon, vous n'avez jamais la maladie de Lyme, sauf dans les formes un peu caricaturales, évidentes. Et ça, c'est un drame absolu pour tous ces malades qui finalement tournent en rond parce que personne ne reconnaît leur maladie. Cela alors, signifie... On va dire après sur la qualité des tests. Mais... Oui, bien sûr, qu'on parle de la qualité des tests, mais cela signifierait-il, professeur, qu'aujourd'hui, le monde médical en général a un manque de perception, manque de connaissances par rapport à la maladie, et deux, quelque part, ça serait une solution un peu facile de dire « Ah bah oui, c'est Lyme, disons qu'on réfute, on dénie un peu cette maladie ». Ah oui, il y a un déni complet. Alors c'est dû aussi, je dirais, à la formation au cours des études médicales ou la formation continue des médecins, puisque la maladie de Lyme était décrite aux États-Unis, même si elle existait avant, mais elle a été surtout décrite au début des années 70, un peu connue dans les années 80. On en parle un petit peu dans les cours à la fac, mais on en parle 5 minutes, et on apprend aux étudiants que c'est une maladie rare, qu'elle est très facile à diagnostiquer, qu'elle guérit en 15 jours quoi qu'il arrive, ou 3 semaines dans les formes graves, et que finalement c'est une maladie rare qui existe surtout aux États-Unis. Donc finalement les étudiants ne perçoivent pas que c'est un vrai problème. Et beaucoup de médecins de ville qui ont fait leurs études il y a longtemps n'avaient même pas entendu parler à la faculté de médecine. Quelquefois, ils en ont entendu parler comme ça dans des journaux médicaux, mais à chaque fois, est décrite une forme caricaturale. Et quand un malade vient avec une tache rouge en disant « j'ai été piqué par une tique », encore aujourd'hui, bon, il y a des progrès maintenant, les médecins sont plus au courant qu'il y a 5 ans, mais encore aujourd'hui, il y a des médecins qui disent « ben non, votre tache rouge, c'est pas la maladie de Lyme, ça n'existe pas ou c'est rare ». Ou alors demande un test sérologique à la phase précoce quand la tique vient de vous piquer. Et même dans les recommandations actuelles officielles qui sont contestées par personne, il ne faut surtout pas faire de test sérologique à la phase précoce. Si vous avez la tache rouge en cocarde, votre médecin est tenu, je dis bien tenu, c'est les recommandations officielles, de vous donner un traitement antibiotique pendant au moins 2 semaines à bonne dose pour enrayer cette infection débutante. Malheureusement, ce n'est pas fait dans la majorité des cas. Et justement, il y a une recommandation qui est mise en place. Est-ce que, là je m'adresse d'un point de vue juridique auprès des avocats, Maître Fèvre, Maître Fourret, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un moyen, une pression, une pression, c'est un petit peu, déjà, c'est d'informer, je veux dire, les professionnels de la santé, mais des recommandations plus pour mettre en place justement des choses, des traitements qui soient, et une reconnaissance aussi de cette maladie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors précisément, toutes les actions qui sont engagées depuis maintenant près de 5 ans, par les associations, par les malades regroupés, au travers des actions juridiques, c'est pas d'aujourd'hui, en effet, vise à faire reconnaître l'obsolescence des recommandations officielles qui ont maintenant plus de 10 ans, celles de 13 décembre 2006, qui sont effectivement l'alpha et l'oméga de la prise en charge de la maladie de Lyme, et qui conduisent à une totale éviction des malades du parcours de soins, en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit vous êtes un malade imaginaire dirigé vers la psychiatrie, soit vous êtes une cicatrice sérologique, et on ne peut rien pour vous. Donc effectivement, le cas qui vient de nous être exposé est malheureusement d'une banalité terrible, parce qu'on a des milliers de personnes qui nous retranscrivent rigoureusement les mêmes parcours, chez des enfants aussi. C'est-à-dire que ça ne touche pas que des personnes qui voudraient ne plus travailler et se faire payer entre guillemets un train de vie aux frais de la société, parce que c'est un peu ça qu'on leur renvoie aussi. Vous avez des enfants de 3 à 15, 16 ans qui sont en pleine forme et qui s'effondrent littéralement du jour au lendemain, et on dit aux parents, écoutez, ce sont des hystéries de conversion, il faut vous faire hospitaliser, il faut vous enfermer. Donc aujourd'hui, Il y a toute une série d'actions qu'on vous présentera peut-être dans un deuxième temps, mais qui ont conduit déjà à une forme de reconnaissance de l'obsolescence de cette recommandation de 2006. C'est-à-dire que juridiquement, on a déjà obtenu deux décisions en faveur de médecins qui ont été poursuivis devant leur ordre et qui viennent dire que la pratique de la maladie de Lyme a évolué et qu'on ne peut plus imposer aux médecins cette conférence de consensus. Donc ça, c'est une première étape qu'on a obtenue au mois de décembre dernier, qui est quand même essentielle, mais qui s'inscrit dans, évidemment, un processus qui va être beaucoup plus long, puisqu'aujourd'hui sont en cours un certain nombre de débats pour l'élaboration d'un nouveau protocole national de diagnostic et de soins, un PNDS, qui va apporter une nouvelle prise en charge en matière de dépistage, parce qu'on a un gros problème au niveau du dépistage, et en matière de soins. Ça s'inscrit dans le cadre du plan national de lutte contre la maladie de Lyme, qui a été annoncé et mis en place par la ministre de la Santé le 29 septembre 2016. Donc on est en cours. Maître Fouet, justement, vous voulez rebondir un petit peu aussi et apporter des précisions? Oui, juste un complément. Ce qui est intéressant dans la maladie de Lyme et qui explique toute la problématique, c'est qu'en fait, elle place le système de santé français face à sa faillite. C'est-à-dire qu'on a quitté depuis trop longtemps une logique de soins, d'accompagnement et de prise en charge des malades pour rentrer dans une logique statistique, dans une logique de gestion financière, dans une logique de QCM. Le témoignage de Fabrice est tout à fait illustratif. C'est-à-dire qu'il faut remplir un formulaire, il faut même avoir la chance d'avoir une sérologie positive pour que, le cas échéant, on puisse envisager une prise en charge du malade. Et c'est tout le problème qui est posé dans la maladie de Lyme. C'est que les malades ne sont pas appréhendés en tant que malades, ils sont appréhendés en tant qu'éléments statistiques. Et lorsqu'ils ne répondent pas à un certain nombre de cases, dont on ne sait pas d'ailleurs si elles sont pertinentes, et on a la démonstration aujourd'hui qu'elles ne le sont pas, eh bien on les exclut du système de santé. Et ça répond clairement à des logiques de quotas, à des logiques de bêtises. Vous parlez de quotas. Oui, de c'est quotas. Quand même grave. Nous parlons de quotas parce que, encore une fois, on ne peut pas expliquer autrement la maladie que par effectivement, d'une part, sans doute, et on peut le comprendre, une remise en cause d'un certain nombre de connaissances scientifiques qu'on pouvait effectivement considérer comme parfaitement établies. Il y a un débat scientifique et il faut qu'il ait lieu et qu'il soit mené jusqu'au bout autour de la maladie de Lyme, qui remet en cause encore une fois beaucoup beaucoup de principes sans doute, et c'est une maladie qui est sans doute complexe à appréhender. Mais comme par ailleurs on est dans une logique de gestion des soins et encore une fois de gestion financière, on ne veut pas faire rentrer les malades. Donc les malades, et Fabrice encore une fois en est la démonstration, mais Catherine Fay le disait, nous avons des centaines et des centaines de cas. Et l'exemple de Fabrice est effrayant, mais malheureusement, il n'est que habituel, il n'est que finalement l'illustration ultime de ce que nous rencontrons quotidiennement. Et donc, encore une fois, lorsque on n'arrive pas à faire rentrer dans les cases le malade, eh bien, le malade, finalement, est responsable de sa propre maladie, il est forcément psychologiquement atteint ou en proie à des difficultés familiales. Bref, on lui raconte n'importe quoi. Quand on n'erre pas, encore une fois, dans des diagnostics, on passe de la tumeur cancéreuse à une logique psychosomatique. Donc, encore une fois, c'est l'illustration de la faillite du système de santé français. Je crois que d'ailleurs que notre Premier ministre a indiqué qu'il réfléchissait à la question, il va se donner 3 mois, mais en réalité, ça fait des années que nous sommes dans cette situation. On est encore une fois dans une faillite totale de ce système de santé en France, il faut le dire. Professeur Perron, on a entendu justement le cas de Fabrice, qui n'est pas un cas particulier comme on le disait. Moi, j'ai de la chance. Oui. J'ai de la chance de pouvoir être soigné, de pouvoir être quelque part un petit peu reconnu, et d'être soignant, de pouvoir me défendre. On parlait de quotas tout à l'heure. Les laboratoires d'analyse médicale sont tarés pour pas sortir plus de positifs qu'ils ne l'auraient demandé. S'ils en sortent plus, ils sont coupables. Mmh. C'est-à-dire que dans cette histoire, les malades sont coupables, les médecins qui soignent sont coupables. Et les laboratoires sont coupables. Il y a d'ailleurs, on va pas revenir sur une polémique, mais il y a un laboratoire au niveau d'Alsace qui a été fermé parce que ils avaient une autre façon de pouvoir diagnostiquer la maladie de Lyme et avaient plus de positifs que les quotas demandés par l'État. C'est quand même très grave. Alors, justement, la question que je voudrais poser au professeur Perron, parce que pour détecter la maladie, au travers de ce test sanguin qui a été fait, Fabrice a pu avoir la maladie qui a été détectée, bien que remis en cause, on va pas revenir là-dessus. Mais la difficulté, professeur Perron, de détecter cette maladie aussi, c'est la validité des tests. D'ailleurs, il y a des différences entre les tests en France, en Allemagne. C'est assez important de signaler. Effectivement, les tests ne sont pas bons du tout. Et juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant de parler des tests, autrement dit, on est rentré dans une médecine purement normative. Alors, il y a des bons côtés, ça permet de rationaliser les choses, mais là, on est tombé dans une espèce d'excès où malheureusement, les médecins n'écoutent plus du tout les malades. C'est un malade dit, je suis fatigué, j'ai mal partout, je peux plus aller travailler. Comme ça ne se voit pas, c'est pas mesuré par un appareil, on ne l'écoute pas. Maintenant, on ne soigne que des résultats de scanners, d'IRM et de tests biologiques. Donc ça, c'est dramatique. Tout un aspect de la médecine, qui est avant tout un art humaniste, une médecine humaine, est en train de tomber à l'eau. Et c'est ce qu'on apprend, malheureusement, aux étudiants dans les facs de médecine aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la qualité des tests, d'abord, ils ne recherchent que trois espèces, parce que dans les Borrelia, c'est tout un groupe de bactéries, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des dizaines de Borrelia différentes. On n'en teste que trois en France, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres qui peuvent donner des maladies exactement similaires à la maladie de Lyme, donc celles-là ne se sont jamais repérées, que les tests sont impossibles à bien calibrer pour les quelques Borrelia qu'on recherche, parce que là, on ne cherche pas la bactérie directement, c'est très difficile de l'isoler, donc on recherche si la personne a produit des anticorps, c'est ça la sérologie. Mais c'est pas la machine qui est en cause, qui fait la sérologie, qui est pas bonne, c'est que pour avoir des résultats fiables, il faut pouvoir calibrer la machine sur des populations bien définies. Il faut prendre 100 personnes, on est sûr qu'ils ont Lyme, et on calibre pour que la machine les détecte tous, et puis on va prendre 100 témoins, des gens en bonne santé à la banque du sang, mais il faut être sûr qu'il n'est pas Lyme, et on peut calibrer la machine pour qu'elle n'en détecte aucun. On ne peut pas le faire dans le Lyme, contrairement au VIH, par exemple le virus du sida, où c'est facile, on peut cultiver le virus, on est sûr que 100 personnes ont le virus du sida et que 100 personnes ne l'ont pas. Donc les laboratoires sont incapables de calibrer correctement, mais il faut avoir l'honnêteté de le dire, mais ils ne veulent pas le dire. Du coup, ça a été calibré au pifomètre. Et c'est calibré sur les donneurs de sang. Il y avait même une consigne européenne qu'on ne devait jamais dépister plus de 5% de gens dans une population donnée. Alors je pense qu'en Alsace, en Lorraine, dans certaines régions, il y a peut-être plus de la moitié des gens qui ont des anticorps. Je ne veux pas dire qu'ils sont malades, mais qui ont peut-être une sérologie positive parce qu'ils étaient en contact avec les Borrelia. Mais ils ne seront jamais dépistés. Donc c'est vraiment du pifomètre complet. On a une décision d'un petit groupe d'experts aux États-Unis. Et en plus, ça ne dépiste pas toutes les autres Borrelia de la planète, parce qu'il y en a énormément. Là, il y a zéro test diagnostique. Et on sait maintenant que les gens à qui on dit vous avez la maladie de Lyme chronique, c'est pas que le Lyme. On sait qu'il y a d'autres bactéries. Je ne vais pas rentrer dans tous les noms latins de ces bactéries, mais elles sont connues de certains médecins. On peut les trouver dans certains travaux de recherche. Il y a des parasites comme les babésias, ce qu'on appelle les pyroplastes, hein, qui sont fréquents à la campagne chez les animaux. Donc il y a plein de germes qui peuvent être associés à la Borrelia, à la maladie de Lyme, qui peuvent contribuer à la dégradation de l'état clinique. Alors pour tous ces autres germes, il n'y a quasiment pas de tests, ou quand il y en a, ils ne sont pas fiables. Donc on voit qu'il y a un champ énorme où il faut développer en urgence des tests diagnostiques fiables. Il y a certains tests vétérinaires qui sont plus fiables qu'en médecine humaine, mais malheureusement, ces tests ont été décriés par les experts qui maintiennent dur comme fer que leur sérologie est fiable à 100%, ce qui est complètement faux, ce qui est une hérésie scientifique de continuer à dire ça. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de publications scientifiques qui prouvent l'existence de la maladie de Lyme chronique, qui prouvent que les Borrelia persistent dans le corps, même après plusieurs mois d'antibiotiques. Tout ça est prouvé, publié, il y a des dizaines de publications. Mais par exemple, le centre de référence de Strasbourg qui continue à dire que leur test est parfait, quand on parle de ces publications, ils les ignorent en disant non, elles ne sont pas bonnes. Parce que dès qu'une publication ne renforce pas leur conviction et leur décret arbitraire, ils se permettent de dire que ces données scientifiques ne sont pas bonnes puisqu'elles vont contre leurs recommandations. Et ça, je crois qu'il faut cesser avec ça. On ne peut plus être dans cette situation de déni de réalité, je dirais même de négationnisme scientifique. Professeur Perron, vous intervenez un peu partout dans le monde. Vous êtes reconnu comme un expert en matière de la maladie de Lyme. Est-ce que cette maladie, aujourd'hui, hein, vous intervenez un peu partout dans le monde, comme je disais, parce que Lyme, la maladie de Lyme, c'est une maladie qu'on découvre et qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Mais ne pensez-vous pas que ça va devenir ou c'est la première maladie, je vais dire chronique, après d'autres maladies cardiovasculaires dans le monde et qui risque de supplanter toutes les autres maladies? Ben bien sûr, je pense qu'il y a une grande pandémie. Alors, c'est pas que la Borrelia, la maladie de Lyme au sens strict. Hein. Il y a toutes les maladies qui sont très proches. Donc c'est un groupe de maladies. Mais pour moi, il est évident que ce groupe de maladies est en première position dans tous les drames de santé publique dans le monde. Quand on voit que dans les pays tropicaux, beaucoup de gens meurent de problèmes cardiaques inexpliqués, de problèmes neurologiques inexpliqués. Alors pour l'OMS, ce sont des maladies non infectieuses parce que comme on cherche pas les microbes, alors ils comprennent pas pourquoi les agriculteurs dans la savane ont des tas de problèmes neurologiques articulaires. Cardiaques, alors qu'ils vivent au contact de leurs animaux, qui sont piqués par les tiques toute la journée. Et on sait maintenant par des études scientifiques publiées que la moitié des fièvres élevées en Afrique, c'est pas du tout des paludismes, ce sont des borrélioses. Alors cousins de la maladie de Lyme, qui donne ce qu'on appelle les fièvres récurrentes, c'est prouvé depuis des décennies, c'était redémontré dans des études récentes publiées dans des grands journaux médicaux. On sait que quand vous avez 39 de fièvre dans le Sahel ou dans certaines régions d'Afrique, ce n'est pas le palu, c'est une borréliose. Mais pour le palu, il y a des tests. Pour la borréliose, il n'y a pas de test. Et quand on va toujours vous dire vous avez un paludisme, et si le test du paludisme est négatif, on dit bah oui, vous avez un paludisme, un test négatif, c'est normal. Mais on ne pourrait même pas oser dire que vous avez une borréliose à test négatif, parce que là, c'est une maladie imaginaire. Et donc on tombe dans un... C'est complètement ubuesque, en fait. Alors, moi, en tant qu'acteur, professeur, quand je vois cela, je me pose plusieurs questions. La première question que je me pose, bien souvent, la recherche, elle s'oriente, elle est très générale, mais les laboratoires vont... Je prends, pour faire un parallèle, les maladies orphelines. On s'intéresse peu aux maladies orphelines parce que financièrement, derrière, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire, les débouchés, bon, on se dit, Est-ce que on est dans le même principe par rapport à la maladie de Lyme? Parce que, pourtant, derrière, il y a énormément de choses à faire. Et d'un autre côté aussi, deuxième question qui est liée à la première, est-ce qu'on donne les moyens financiers aussi à la recherche suffisamment? Parce qu'on voit, en général, la recherche, on est limité en termes de moyens, et spécialement pour Lyme, est-ce qu'on donne les moyens financiers? Non, parce qu'il y a pendant 30 ans, il y a eu zéro sous, zéro centime pour la recherche sur le Lyme. Et moi, quand j'ai fait des demandes pour des projets de recherche, si je faisais des demandes pour la tuberculose ou le sida ou l'hépatite C, j'arrivais à finalement... Quelquefois, c'est un peu difficile, mais j'arrivais à avoir des financements. Pour le Lyme, impossible. On me répondait, on donne pas d'argent pour une maladie imaginaire. C'était pareil aux États-Unis. Il y a eu zéro recherche significative. Les seuls qui ont fait de l'argent, c'était le petit groupe d'experts de la Société de maladies infectieuses aux États-Unis, qui faisait toujours les mêmes recommandations, qui s'en sont mis plein les poches. C'est officiel parce qu'ils ont des conflits d'intérêts d'ailleurs déclarés. Ils détiennent les brevets des sérologistes, se sont fait des millions de dollars en quelques années. Et c'est les mêmes qui sont décideurs et qui peuvent bloquer les tests concurrents. Alors pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique et des fabricants de tests, je suis pas sûr qu'ils aient eu de la mauvaise volonté au départ parce que on leur a dit, des experts leur ont dit, vous savez, le Lyme, c'est pas la peine d'investir puisque c'est une maladie rare, c'est très facile à diagnostiquer, ça guérit en 15 jours. Et puis en plus, quand il y a eu les polémiques, qui sont pas qu'en France, qui sont dans le monde entier, les industriels ont peur des polémiques. Vous savez, ils sont suivis par les investisseurs à la bourse. S'il y a un sujet polémique, ça fait fuir les financiers. Je crois qu'ils sont en train de changer d'avis. Alors j'étais content parce que j'ai vu que récemment un institut de conseil américain pour l'industrie a classé la maladie de Lyme dans les 30 maladies dans lesquelles il fallait investir. Donc c'est-à-dire que je pense qu'ils sont en train de réaliser, mais c'est tout nouveau, hein, que finalement c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'ils pensaient, que c'est une maladie beaucoup plus chronique que ce qu'ils pensaient, et ils commencent à se dire, tiens, peut-être que ça vaut le coup d'investir, parce que côté industriel, ils ne vont investir que s'il y a un retour sur investissement, c'est-à-dire que s'ils ont un marché, bon, c'est un peu cynique de dire ça, mais c'est comme ça que c'est pensé par les industriels. Donc moi, je suis plutôt optimiste de ce côté-là, en me disant ils vont investir, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu vraiment de choses concrètes. Voilà. Concrète et vraiment établie. Professeur, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse, on arrive à la demi-heure de notre émission, c'est qu'on se fasse une courte pause musicale, qu'on se retrouve après, parce qu'on a encore beaucoup de questions à poser, le témoignage de Fabrice, mais aussi avec nos avocats qui sont là d'un point de vue juridique, et avoir vos précisions aussi, professeur. On se retrouve juste après ceci. But I still hear singing, mixed between the crying, sirens ringing. Bury my whole tribe, I'm crying, thinking. Rescue us from Zion, God ain't blinking. Bodies held in pile on, clock ain't ticking. One piece had a smile on, plot just thicken. Courage of a lion, nine life kitten. Wandering through iron bars, once prison. Jack and Lee, Lord and Billy Zion, they will get a man. Les soumis, les idiots, les vulgaires, à la tristesse de l'Éden, aux clartés de l'enfer. Il faut goûter son sang, car le sang est esprit. On suicide un silence en accouchant d'un cri. J'habite un désastre sous la colère des dieux, où le monde doit s'éteindre pour qu'on ouvre les yeux. Et le vin à la bouche, et le cœur sur le pieu, on fera vœu de renaître de quelques cendres de feu. J'effeuille les corolles de ce qu'on veut de la vie, un peu de vent sur la peau, les caresses d'une fille, ou s'envoler tout là-haut pour gratter l'équinoxe. Être un arbre écrivain en s'écorchant l'écorce, mais tout ça s'est cassé en un éclair coincé sous une chape de béton armé. Mes enfants, le solstice c'est dans longtemps, mais longtemps c'est maintenant. Et après cette musique, nous sommes de retour sur le plateau de notre magazine Libre-Échange, magazine de la santé. Et aujourd'hui, nous parlons de la maladie de Lyme. Et sur le plateau, nous avons maître Catherine Fèvre, justement, qui travaille sur cette problématique d'un point de vue de droit, accompagnée avec maître, et je veux dire même associé dans ce combat de Lyme Action, maître Fouret-Julien. Nous avons aussi Fabrice Fracalossi qui est parmi nous, là aussi qui représente France Lyme, mais aussi qui a été patient. Et en direct, nous avons par téléphone le professeur Perron. Professeur Perron, on parlait justement en finissant, je veux dire, la première partie d'émission de ces problèmes de reconnaissance de la maladie, mais aussi des tests. Pour vous, qu'est-ce qui serait nécessaire aujourd'hui, utile, indispensable, comme solution pour que qu'on puisse faire reconnaître que cette maladie soit reconnue, mais d'un point de vue scientifique? Alors d'abord, il faudra donner de l'argent pour la recherche qui a commencé un petit peu, mais pour l'instant, c'est assez insuffisant. Que l'industrie privée s'investisse là-dedans, parce qu'avec les fonds publics, on n'y arrivera pas probablement. Et il faut aussi que plusieurs laboratoires de biologie médicale s'investissent dans la recherche sur la maladie de Lyme, et qui n'est pas, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, le seul centre national de référence de Strasbourg qui est en situation de monopole. Et ce qui est très choquant, il est en situation de monopole aussi pour l'évaluation pour les autorités. C'est-à-dire qu'il met au point ses propres tests avec l'industrie, il les valide, il dit que ce test est parfait alors que c'est pas vrai sur le plan scientifique, et personne ne peut le contester. Et si un autre laboratoire vient le challenger en disant « moi j'ai un autre test qui est meilleur », il va le bloquer en disant « non, votre test n'est pas fiable », parce que c'est le seul laboratoire à avoir autorité pour les autorités de santé pour décider si un test est valable ou pas. Donc là, c'est une situation de monopole qui n'est pas normale. Et j'aimerais que les laboratoires de biologie vétérinaire puissent participer au débat, puisqu'ils ont des techniques qui sont quasiment les mêmes que les techniques chez l'homme. Si vous avez du sang de chien ou de singe, ça change pas pour dépister une bactérie par rapport à du sang humain. Bien sûr, parce qu'on fait partie de la race des mammifères. Et d'ailleurs, il y a des humains qui se sont fait passer un peu clandestinement pour des animaux pour pouvoir bénéficier de résultats dans des laboratoires vétérinaires. Il faut vraiment que il y ait une ouverture et qu'il n'y ait pas un seul centre qui décide de tout, d'autant qu'il est jugé parti. Alors, pour revenir sur ton cas, Fabrice, là, aujourd'hui, tu es encore sous traitement. Alors, tu nous as expliqué là un petit peu comment tu as découvert la maladie, mais il y a eu de ta propre initiative pour pouvoir te soigner. Alors, en fait, la grande errance a commencé à partir du moment où on m'a dit que j'étais guéri. Puisque j'étais pas guéri. Je me suis retrouvé, donc 6 mois après avoir les troubles neurologiques qui sont revenus en masse, je n'avais pas eu la curiosité intellectuelle de taper maladie de Lyme sur Google. Quand j'ai été malade, j'ai fait confiance aux médecins qui m'ont soigné, qui m'ont diagnostiqué. Je les mets pas en porte-à-faux parce que eux-mêmes ne connaissaient pas la maladie. Tout le problème est là, en fait. Pour revenir au niveau des diagnostics, moi, ce qui me fait un petit peu rire, c'est qu'on a retrouvé une momie qui a 2000 ans, qui était atteinte de la maladie de Lyme, et que au bout d'un moment, on me dit que j'ai un faux positif, ou on n'arrive pas à diagnostiquer des malades parce que leur sérologie est négative. Donc, je me retrouve dans une errance, et je me retrouve très mal à avoir encore une fois mon état de santé qui s'altère, et Je tape là sur Google maladie de Lyme et je tombe sur bien sûr le professeur Perron. Je découvre le combat. Je découvre aussi que j'ai pas de solution dans ma région et je me permets d'appeler l'hôpital de Garches pour moi qui est un petit peu la lumière de mon cas. Et dans ma tête, en parallèle, je me dis que je n'ai peut-être pas la maladie de Lyme puisqu'on m'a soigné. Et que je ne vais pas mieux. Ah oui. Là, j'essaye d'être un petit peu, comment dire, cartésien dans ma réflexion, et j'essaye de pas me faire emmener par ce tumulte d'informations que je trouve sur Internet. J'appelle donc le service de maladies infectieuses de Garches, qui me répond « Je suis désolé, monsieur, vous êtes au moins le 10e à appeler ce matin, et nous ne pouvons pas prendre des gens... à l'extérieur de Paris, parce que nous sommes débordés, nous sommes un hôpital public, et on peut pas prendre tout le monde, et on comprend votre détresse. » Et là, je dis, je fais quoi? Et la secrétaire, qui est très très humaine, parce qu'il faut prendre le temps de pouvoir écouter pendant un quart d'heure quelqu'un qui quasiment en pleure au téléphone en disant... Et qui est en souffrance totale. Je savais plus quoi faire, en fait. Et je me sentais glisser. J'étais trentenaire, et j'avais l'impression d'être un grabataire, en fait. Je regardais mon jardin par la fenêtre en me disant, je ne vais plus sortir dehors, quoi. Et là, en fait, elle me donne le nom des associations qui militent, et je contacte l'association France Lyme qui me coach et qui me dit nous allons vous aider, on va pouvoir vous donner des médecins, mais avant de pouvoir avoir un médecin, puisqu'ils sont un petit peu protégés, puisque attaqués. Eh oui, et on va en parler d'un point de vue juridique, voilà. Justement, avec nos avocats. Il me donne l'adresse d'un médecin qui est à 600 km de chez moi. Et là, je me dis, purée, il va falloir que je fasse 600 km pour me soigner. Mais j'étais capable de tout faire pour pouvoir me sortir de là. C'est l'instinct de survie, on va dire, qui est là, à un moment. J'ai remarqué que la maladie de Lyme touchait beaucoup de gens qui n'étaient ni feignants, ni qui étaient plein d'énergie avant. D'ailleurs, celle qui représente la marraine de France Lyme, c'est une championne mondiale de course d'orientation, hein, quelqu'un qui est très actif et sportive, et qui s'est retrouvée du jour au lendemain dans un lit. Voilà. Elle, pareil, elle s'est dit, je peux pas laisser ce combat par terre, je vais mieux, mais je continue à me battre pour l'association. Donc voilà, on se retrouve dans des situations... où on se retrouve à 600 km pour voir un médecin, puisque c'était quelqu'un qui étudie la maladie de Lyme depuis plus de 30 ans, qui avait fait des études américaines, qui travaille aussi en collaboration avec l'hôpital, les directives de l'hôpital de Garches par rapport à certaines choses, mais qui était attaqué par l'ordre des médecins, par les HAS et tout ça. Et d'ailleurs, je vais pas donner son nom, mais il a un mois de suspension d'exercice au mois de mars. Par rapport à tout ça. Et sauf que grâce à ce monsieur, je continue à travailler, je cours, je vais bien. Donc on se retrouve tous coupables de soigner les gens, en fait. Enfin, c'est complètement aberrant. Alors ce que je te propose, on va revenir sur justement par rapport à ton traitement après Fabrice, pour en parler qu'aujourd'hui tu es encore sous traitement, que normalement d'un point de vue protocole, et en parlant aussi avec le professeur, c'est que normalement on se dit par rapport au protocole qui existe. D'un point de vue juridique, justement, moi j'aimerais bien, Maître Fèvre, qu'on revienne un petit peu là-dessus, parce que quand on entend ça, c'est quand même aberrant, quoi. Aberrant, oui. C'est d'autant plus aberrant qu'on sait que le dépistage est crucial dans la prise en charge de la maladie de Lyme, parce qu'au plus tôt vous êtes dépisté, au plus tôt vous êtes pris en charge, et là vous avez 80% de chances d'être guéri. C'est-à-dire que vous êtes pris en main immédiatement avant que la maladie se chronicise, s'enquiste et vous donne un certain nombre de troubles et de séquelles qui sont parfois irréversibles. Donc la question du dépistage, elle est essentielle. Et pour autant, malgré ce plan national qui a été édicté en 2016, on n'a aucune mesure d'urgence qui ont été prises quant au dépistage. Alors, avec mon confrère Julien Fouret, on s'est précisément attaqué à cette question. Au travers du Lyme Action, dont on a annoncé le lancement au mois de mai 2016, le plan est annoncé en septembre et les actions sont engagées en octobre 2016. Donc ces actions consistent à engager la responsabilité des fabricants des tests de dépistage au motif qu'aujourd'hui, et le professeur Perron nous l'a bien confirmé, ils sont dans l'incapacité absolue de garantir la fiabilité de leurs tests. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous passez un test dans un protocole qui est défini et imposé aux malades en deux temps. Si votre premier test ELISA s'avère négatif, vous êtes exclu du système de dépistage et de soins. Vous n'êtes pas malade de Lyme. Et ce test-là s'impose alors même qu'aucune garantie ne nous est donnée. Donc on s'est attaqué à ces laboratoires fabricants. en leur posant la question des garanties et en leur posant la question de l'information donnée quant à ces garanties. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est à plus d'un an et quelques mois après le point de départ de ces actions, les laboratoires sont dans l'incapacité de certifier une fiabilité à ces tests. Alors la question naturelle que tout le monde se pose, c'est comment a-t-on pu commercialiser et valider des tests pendant des dizaines d'années, alors même que l'on sait, et c'est une connaissance coupable aujourd'hui, qu'ils sont inefficaces. Alors justement, Maître Fourré, pour rebondir un peu là-dessus, est-ce que moi ça me fait penser à d'autres situations qui ont existé, notamment avec le problème notamment du sang contaminé, des choses comme ça. Est-ce que ou l'affaire Mediator ou d'autres affaires, hein, mais je veux dire pour situer, est-ce qu'on est un peu dans ce cas-là aujourd'hui? Alors complètement, on est en présence en fait d'un scandale sanitaire qu'a évoqué, et on peut le comprendre à demi-mot, le professeur Perron. Il y a une situation qui n'est pas simplement le fruit du hasard. Catherine Fay vous a rappelé que grâce à ces actions civiles engagées au titre du Lyme Action, on a aujourd'hui la démonstration que les laboratoires eux-mêmes ne peuvent pas s'engager sur la fiabilité de ces tests. Et donc la question qui se pose, c'est comment peut-on valider des tests qui non seulement ne sont pas fiables de l'aveu même aujourd'hui des laboratoires, mais qui en outre, et le professeur Perron l'avait évoqué, ne recherchent pas la totalité des souches pathogènes qui sont à l'origine, en tout cas majoritairement en France, de l'infection de la maladie de Lyme. Et ça pose la question de l'indépendance des autorités sanitaires. Et ça fait partie du deuxième volet du Lyme Action que nous allons lancer dans quelques heures, puisque c'est demain, puisque nous déposons une plainte pénale contre les autorités sanitaires de ce pays, en tout cas certains de leurs représentants, et en particulier nous posons la question de l'indépendance du Centre National de Référence de la Borrelia, qui est situé à Strasbourg, qui est effectivement en situation de monopole, ce qui en soi d'ailleurs pose un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que d'ailleurs au regard de la complexité de la maladie, qui a la responsabilité de l'évaluation de ces tests et de leur validation. Qui est juge et partie en même temps. Et qui est jugé parti parce que nous avons identifié, d'ailleurs au travers y compris de la documentation qui a pu être communiquée par les laboratoires eux-mêmes dans le cadre des actions que nous avons lancées, nous avons identifié des conflits d'intérêts majeurs. Je pose cette question et nous posons cette question avec ma consoeur Catherine Fèvre. À partir du moment où il y a une situation de monopole et que le représentant du CNR travaille en étroite collaboration avec l'un des principaux laboratoires fabricants du test sérodiagnostique, que cette collaboration n'est pas une collaboration ponctuelle, qui en soi d'ailleurs poserait un problème, parce que comment peut-on juger celui avec lequel on collabore, mais qui est une collaboration qui s'est multipliée dans le temps, dont certaines d'ailleurs de ces collaborations n'ont pas toutes été déclarées, alors même qu'il y a une obligation de transparence qui est instaurée depuis plusieurs années. Quand on sait que certains membres de l'équipe du CNR participent au préfaçage, si j'ose dire, de plaquettes de commercialisation, de plaquettes promotionnelles de des produits et des dispositifs de santé, en particulier des tests sérodiagnostiques qui sont commercialisés par l'un des principaux laboratoires fabricants. Quand on sait que la NSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, a été saisie en novembre 2012 d'une alerte sur effectivement le problème de fiabilité, qu'elle a confié une mission d'évaluation, je vous le demande, à qui ? Au CNR. Et toujours pareil, voilà. Lequel a mis des mois et des années pour rendre un travail qui est aujourd'hui toujours inachevé et qui révèle d'ores et déjà que un certain nombre de laboratoires n'étaient pas en mesure de présenter les documents réglementaires permettant de justifier de la conformité technique des tests qu'ils commercialisaient. Lorsqu'on sait qu'il y a des difficultés au niveau de la des notices d'information, lorsqu'on sait que la NSM s'est jamais posé la question de rechercher les souches qui étaient effectivement détectées par ces tests, dont on nous dit de l'aveu même du CNR qu'elles seraient au nombre d'une vingtaine, et en tout cas d'une dizaine majoritairement présentes, pathogènes, alors que certains tests, pour certains d'entre eux pendant des années, n'ont recherché qu'une seule souche, la souche d'origine américaine, qui est extrêmement minoritaire, pour ne pas dire quasi inexistante sur le territoire de l'Union européenne et en particulier en France. Donc tout ça, ça pose la question évidemment de la compétence des autorités sanitaires, mais plus généralement des conflits d'intérêts, du manque d'indépendance incontestable, et en réalité derrière évidemment des intérêts ou des liens de consanguinité qui peuvent exister entre certains acteurs du paysage de santé français et les laboratoires pharmaceutiques ou l'industrie pharmaceutique en général. Donc cette plainte pénale qui sera déposée demain a vocation effectivement à dénoncer ce scandale et en tout cas à ce que les responsabilités soient clairement établies dans l'intérêt des malades qui peuvent d'ailleurs, il y en a près de 300 qui aujourd'hui sont plaignants mais qui peuvent encore se joindre aux actions que nous avons engagées. Alors justement, il y a un site internet, une adresse mail éventuellement, auquel les auditrices, auditeurs peuvent vous contacter, avoir vos conseils, mais aussi rejoindre votre action, parce que plus on sera nombreux, si je peux dire, plus on pourra lutter contre cette maladie, Maître Fèvre. Oui, tout à fait. Je crois qu'on est à un moment crucial de ce combat qui, effectivement, est engagé depuis un certain nombre d'années. Et je crois que l'union est vraiment le mot d'ordre à retenir aujourd'hui. Il n'est vraiment pas l'heure de se diviser. Nous représentons, Julien Fouret et moi-même, tous les malades, toutes associations confondues. Il n'y a pas de discrimination ou de question de cet ordre-là. Je veux que les choses soient claires. C'est souvent une question qui nous est posée. Vous avez raison, c'est important de le dire, parce que c'est d'intérêt général public. C'est ça. C'est un combat de santé publique. Voilà. Et nous défendons tous les malades susceptibles de se placer dans ce cadre-là. Alors, nous avons effectivement une page internet qui n'est pas encore un site, qui s'appelle limeaction.fr, à laquelle les malades ont accès et peuvent accéder à un certain nombre de premières informations. Nos coordonnées et une adresse dédiée internet y figurent, qui est limeaction@avocaline.com. Ils peuvent nous contacter. Ils peuvent également, et c'est le cas de nombreux malades, nous contacter par téléphone pour un premier éclairage sur leur situation individuelle, parce que on a ces combats collectifs, mais on assure également un accompagnement individuel au cas par cas, parce que nombreux de ces malades, qui en effet n'étaient pas des inactifs, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, se retrouvent complètement isolés sur le plan social, familial, en fin de droit, plus indemnisés par leur caisse d'assurance maladie, sans aucun revenu et contraints de solliciter le RSA dans le meilleur des cas. Voilà. Donc on a des situations absolument désespérées où non seulement ils n'ont plus les moyens de vivre, mais même plus de survivre et surtout pas de se soigner. Donc on les accompagne du mieux possible. Alors évidemment, ça ne va jamais assez vite et malheureusement, le droit impose un rythme qui n'est pas toujours celui de l'urgence. Mais en tout cas, on peut également les conseiller et on intervient également malheureusement souvent pour accompagner des enfants qui se trouvent dans des situations particulièrement délicates en phase d'hospitalisation psychiatrique avec des parents qui sont complètement mis en cause et dénoncés par les autorités comme étant des parents maltraitants. Donc on intervient aussi dans certaines situations d'urgence pour permettre aux parents de, entre guillemets, reprendre la main sur les choix qu'ils ont à faire dans l'intérêt de leurs enfants et permettre à ces enfants d'accéder à un traitement. Voilà, et de ne pas être catalogués dans une case qui malheureusement les enferme dans un faux diagnostic et qui ne fait qu'aggraver leur situation. Je rappelle le site sur lequel on peut retrouver des informations, donc limeaction.fr, une adresse mail, limeaction@avocatlife.com. C'est bien ça, maître? Avocatline.com. Line.com. Vous vouliez apporter une précision, maître Fouré. Oui, juste une dernière remarque. Effectivement, l'union est absolument nécessaire, sur d'autant que on peut le constater ces derniers temps, ce qui est plutôt bon signe au regard des actions que nous avons engagées, parce qu'elles font réagir. C'est que de l'autre côté, si j'ose dire, il y a des facteurs de déstabilisation avec des actions qui sont annoncées, qui sont censées représenter un certain nombre de malades, mais qui en réalité déstabilisent l'action commune que nous avons engagée depuis maintenant plusieurs années. Et puis également, évidemment, les laboratoires pharmaceutiques, laboratoires fabricants, pardon, qui se regroupent et qui utilisent d'ailleurs de manière assez choquante un certain nombre d'institutions qui normalement ont une autorité morale qui devrait les inciter à plus de réserve. Je voudrais simplement vous citer cet exemple qui nous a particulièrement choqué, qui nous a amené avec Catherine Fèvre à réagir. L'Académie de médecine a publié un communiqué fin octobre de l'année dernière. L'Académie a évidemment le droit de s'exprimer, en particulier sur la maladie de Lyme. Simplement, lorsqu'on lit le communiqué, qui est une attaque frontale contre les malades, qui est en réalité, et nous en avons la démonstration au regard, encore une fois, des actions que nous avons engagées, qui est en réalité l'action d'un lobby, en l'occurrence l'Académie de médecine, dont c'est pas le rôle, qui défend effectivement le déni de la maladie, qui méprise les malades et qui en réalité sort complètement de son rôle et notamment de son autorité morale ou l'autorité morale qu'elle devrait revendiquer, qu'elle devrait en tout cas exprimer. Nous avons dénoncé auprès de Monsieur le Président de la République cette situation. Nous attendons une réponse concrète qui nous a toujours pas été apportée. Nous interpellons à nouveau le gouvernement et le pouvoir exécutif. Il y a un vrai problème. On ne peut pas prendre en otage, dans le cadre de la maladie de Lyme, un certain nombre d'autorités, notamment d'autorités morales et en particulier l'Académie de médecine, dont nous avons encore une fois la démonstration qu'elle travaille main dans la main avec un certain nombre de laboratoires fabricants. Certains membres de l'Académie de médecine sont d'ailleurs rémunérés par ces laboratoires fabricants et travaillent en collaboration étroite avec eux. C'est là encore la démonstration qu'il y a un problème au titre de la maladie de Lyme. Il n'y a pas des malades imaginaires, il y a des malades qui souffrent. En revanche, il y a des intérêts que manifestement certains s'emploient à défendre ardemment et au mépris, encore une fois, de la cause et de la situation des malades. Fabrice en est l'illustration parfaite. Fabrice, tu voulais rebondir aussi? Bah, pour aussi rejoindre cette idée, hein, d'autorité oui. morale et tout ça, vous imaginez quand même les conjugopathies qu'on peut retrouver. Oui. On est malade, sauf que le médecin vous dit, vous n'êtes pas malade, l'entourage croit l'autorité médicale. Bien sûr. Jusqu'à maintenant, c'est quand même les médecins qui ont un petit peu ce pouvoir de dire c'est comme ça et pas autrement. Bien sûr. Et moi, j'ai vu des gens complètement effondrés physiquement, moralement, et qui ont perdu leur compagne. Eh oui. Parce que, il est au bout d'un moment, on ne peut plus bouger, il travaille plus, des sociabilisations, et la compagne ou le compagnon part. Voilà. Donc, on est vraiment prise d'otage, on est victime et on est malade. On est vraiment, les malades sont pris en otage de tous les fronts, quoi. Professeur Perron, je voudrais revenir vers vous concernant le plan national diagnostic de soins. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant de mettre en place? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une première étape parce que déjà ce plan permettra de mettre à la poubelle définitivement la conférence de consensus de 2006 qui avait été faite par la Société de maladies infectieuses et qui était un copier-coller de la conférence du consensus américain qui datait de la même année 2006 qui avait été fait par la Société américaine de maladies infectieuses. Et c'était des avis d'experts qui n'étaient pas basés sur des preuves scientifiques, mais ce consensus a toujours, même s'il n'avait pas une valeur opposable juridiquement, il était utilisé par les caisses d'assurance maladie, le Conseil de l'Ordre, pour attaquer les médecins. Donc là, c'est une première étape. On ne pourra pas faire des recommandations d'un niveau de preuve très solide avec le test idéal, le traitement idéal, parce que comme il n'y a pas eu de recherche pendant 30 ans, on manque de données scientifiques solides, mais on pourra ouvrir la porte pour les situations compliquées au fait qu'on puisse essayer peut-être des nouveaux tests, les évaluer, essayer des nouvelles stratégies de traitement, dans tout ça sous surveillance un peu des autorités de santé. Mais il va être impossible de faire la Bible de la maladie de Lyme comme ça alors qu'on manque de données. Donc ça va être une étape intermédiaire d'ouverture. Bon, j'espère que on va pouvoir se mettre d'accord sur le texte final. Ça devrait être dans quelques semaines, parce que s'il y avait un blocage et que les malades ou leurs représentants ont demandé comme modification a été refusé par le groupe, bon, ça pourrait poser problème pour la validation finale. Mais j'espère que nous arriverons à un consensus. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que tant que c'est pas finalisé et publié, il y a un devoir de réserve sur le contenu. Oui, absolument. Vous, professeur, qui voyagez un peu partout dans le monde, qui intervenez, qui voyez beaucoup de cas, comment nous situons, nous, la France? Est-ce que nous sommes France se situe en premier, j'en suis fier, pour le combat médiatique. Et ça fait l'admiration de tous mes collègues aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Scandinavie, parce que où les médias étaient beaucoup plus verrouillés sur la maladie de Lyme. Après, sur les recommandations officielles, il y a des pays qui ont commencé à faire bouger les choses. Le Canada était en avance, ils avaient passé une loi, mais malheureusement, le groupe de travail qui était mis en place avant la France a été complètement noyauté par les experts qui n'ont pas écouté. Ils ont mis 2-3 malades et médecins ouverts à la maladie de Lyme pour faire joli autour de la table, mais ils ne les ont pas écoutés. Ils ont ressorti des recommandations qui étaient quasiment les mêmes qu'avant. Donc ça, c'est dramatique. Et là, je peux vous dire que j'ai eu des messages de Canadiens, notamment de Québécois, qui souhaitent que je puisse les aider parce qu'ils sont dans un état désespéré et les médecins ont été persécutés. Alors, aux États-Unis, l'ouverture est très importante puisqu'il y a une loi fédérale qui est passée, qui a été signée par Barack Obama avant de partir, qu'il y avait 17 instances fédérales, dont le département d'État, qui maintenant reconnaissent la maladie de Lyme chronique. Il n'y avait que le CDC d'Atlanta. Le CDC, c'est le Centre de surveillance des maladies, qui était toujours très proche. En fait, les membres sont assez communs avec la Société américaine de maladies infectieuses. Ils ont des conflits d'intérêts financiers avec les tests sérologiques. Ils ont défendu le consensus américain bec et ongle jusqu'à encore très peu de temps, malgré la loi. Mais enfin, ils commencent à venir à la raison puisqu'ils ont supprimé les recommandations américaines de leur site au mois de décembre dernier. Donc, les derniers des Mohicans qui font obstacle, ils sont encore nombreux aux États-Unis, commencent à reculer. Et un groupe de travail vient d'être mis en place aux États-Unis. Donc, après la France, mais je ne sais pas quand les travaux seront terminés. Pourquoi on met toujours l'Allemagne en avant? C'est pas que les autorités allemandes, c'est comme en France, où les professeurs allemands sont contre le Lyme chronique. La grosse différence en Allemagne, c'est que c'est le système privé qui a pris en charge le Lyme et que la grosse différence de la France ou d'autres pays en Europe, l'Allemagne est, je dirais, beaucoup plus démocratique sur le terrain. Il n'y a pas une institution nationale jacobine qui impose un dogme à tout le monde. En Allemagne, on est beaucoup plus libre et un laboratoire laboratoire qui fait un test qui n'est pas tout à fait le test officiel, on ne va pas lui chercher des poux dans la tête. Un médecin qui prescrit un peu en dehors des clous, on ne va pas l'embêter. C'est ça qui fait la grande force de l'Allemagne. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas reconnu par les autorités. Et comme c'est le système privé, il y a des abus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des médecins, des laboratoires qui en profitent, qui facturent des tests ou des consultations très chères. Et il y a des malades qui sont obligés de se ruiner, de vendre leur appartement pour pouvoir se faire soigner ou soigner leurs enfants. Donc ça, c'est aussi... Tout n'est pas rose en Allemagne, mais c'est vrai que ceux qui ont de l'argent, ils ont facilement accès à certains diagnostics et aux soins. Et une fois de plus, un exemple où la médecine, on arrive à une médecine à deux vitesses. Professeur, merci beaucoup pour nous avoir consacré tout ce temps. Je sais que vous êtes très pris par rapport à vos activités. Merci beaucoup. Et vous savez que... Je vais juste m'excuser auprès de Fabrice parce qu'il n'est pas le seul. Il y a des milliers de gens qui se plaignent auprès de moi et de ma secrétaire est en larmes régulièrement. C'est un drame pour moi de ne pas pouvoir accueillir. Ah, c'est pas du tout une plainte. Elle m'a aidé, votre secrétaire. Elle m'a aidé à rebondir sur les associations. Et c'est, je peux vous dire que j'ai des étagères remplies de lettres que j'ai même pas le temps d'ouvrir. Et j'en suis malade, je peux vous le dire, mais il faut pas que ça dure éternellement. J'avais très bien compris la situation à l'époque, vous inquiétez pas. Voilà. Merci beaucoup, professeur, et à bientôt, et en espérant que les choses évoluent très rapidement d'ici là. Très bonne journée, merci, professeur. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maître, une question qui me vient à l'esprit, il y en a plusieurs. On n'a pas parlé, il nous reste quelques minutes très rapidement, la protection des médecins. Parce qu'il y a des médecins qui, surtout en situation, comme disait justement Fabrice, qui font leur devoir de médecine et derrière pour soigner le patient. Et on est obligé d'outrepasser, je veux dire, les recommandations médicales. Et non seulement ça, mais derrière, il y a la sécurité sociale, il y a ces organismes-là qui vont être gendarmes, je veux dire, et qui vont... Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Alors aujourd'hui, la médecine est une médecine, comme on l'a dit tout à l'heure, purement administrative. C'est-à-dire que vous avez des nomenclatures, des cotations d'actes, des recommandations. Et si vous vous écartez de ces recommandations, les services de contrôle de l'assurance maladie vous tombent dessus en disant « Vous êtes en dehors des clous, vous occasionnez des surfacturations, vous soignez des maladies hors acte pour des malades qui n'existent pas en réalité. Ça constitue une faute. On demande donc votre interdiction d'exercer et le remboursement de tous les soins qui ont pu être pris en charge, quand c'est le cas. » Alors, on est dans ce système-là. Il est essentiel, et c'est le cœur du combat, c'est que ce système devienne un système qui décide de soigner et de soigner tous les malades. Précisément pas comme en Allemagne où aujourd'hui en France si vous n'avez pas 5000 euros à mettre sur la table, vous ne pouvez rien faire en Allemagne. Il faut quand même être clair. Aujourd'hui, malheureusement les malades qui sont en situation de désespoir n'ont absolument pas les moyens d'accéder à ces soins-là. D'ailleurs, je me permets de dire que le principe de déontologie, et je rappelle le serment d'Hippocrate, c'est que toute personne, même si je veux dire financièrement n'a pas je veux dire les moyens, doit avoir accès à un minimum de soins. L'accès aux soins est un principe constitutionnel fondamental de notre démocratie. En France, c'est un principe inscrit à la Constitution. C'est l'accès aux soins, le droit à la santé. Le médecin est un acteur de ce droit à la santé et on doit rendre au médecin sa liberté de prescription. Et c'est ça aujourd'hui qui est mis en cause. Les médecins qui prescrivent et qui soignent et qui guérissent sont mis en cause parce qu'ils n'entrent pas dans la case administrative. Donc, les différents combats judiciaires qui ont été menés commencent à porter leurs fruits puisque le Conseil national de l'Ordre des médecins de Paris a bien dit que la pratique telle qu'elle avait été menée par un certain nombre de médecins connus des malades de Lyme ne pouvait pas être remise en cause en tant que telle. Ils ont gardé quelques petits motifs véniels pour justifier d'une condamnation, parce que sinon, évidemment, l'honneur ne serait pas sauf. Mais sur le cœur du sujet, on a eu un premier pas conséquent qui a été apporté. Donc voilà, ça paraît essentiel. Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est que ce fameux plan protocole qui est en cours d'élaboration n'exclut pas les médecins traitants qui ont des connaissances et qui doivent garder leur liberté de prescription du Bien système sûr. De soins. Parce et que oui. c'est ça qui est en train de se et profiler. Et c'est eux aussi qui vont faire évoluer les choses. C'est eux qui vont le faire, sauf qu'on est en train de les déposséder de ce savoir, de le donner à des centres dits spécialisés qui, aujourd'hui, ne font qu'appliquer la doctrine officielle et exclut à nouveau les malades qui sont dits négatifs sérologiquement. Donc, il faut être très vigilant de ce point de vue-là et les différentes instances qu'on peut représenter, vraiment, le sont. En arrivant en fin d'émission, très rapidement, Maître Fouret, et on parle toujours de l'Europe. Et là-dedans, l'Europe, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut pas saisir l'Europe pour appliquer des choses, mettre des choses en place? Je me fais l'avocat du diable. Ah, là, c'est un débat qui pose la question de la conception de l'Europe. Malheureusement, non, c'est pas aussi simple. En revanche, bien sûr, je peux vous dire que et encore récemment, le Parlement européen a effectivement réfléchi à cette question. Il y a un certain nombre de députés européens, d'ailleurs, sous l'influence d'un certain nombre d'associations de malades, qui effectivement se sont saisis du problème, qui considèrent que la maladie de Lyme est quelque chose de sérieux. C'est pas une maladie imaginaire, c'est pas une maladie rare. Qu'il y a des fonds qui doivent être mobilisés et qu'en tout état de cause, manifestement, on est passé à côté depuis trop d'années de la question. Je pense que la maladie de Lyme, en fait, elle place tout le monde, sur le plan juridique, sur le plan médical, et y compris d'ailleurs d'un point de vue démocratique au niveau de notre système de santé, elle place tout le monde face à ses responsabilités et face à une nouvelle réflexion, donc face à un nouveau défi. Merci maître. Tu as le mot de la fin, Fabrice. Je vais essayer de faire vite pour rebondir. Ouais. Donc, protection des médecins, je fais 600 km, je paye mon traitement. Voilà, parce c'est que ça. Pour pas que le médecin soit incriminé. On espère que le PNDS qu'il a actuellement en phase de relecture donnera des nouvelles directives, ce qui pourra permettre à ce que je sais plus quel terme a été employé, mais par exemple pour revenir en Lorraine, parce qu'on est une émission Lorraine. Oui, mais qui écoutait sur d'autres régions partout, de France. Voilà, il y a des consultations pluridisciplinaires, notamment au CHU de Nancy, qui est une catastrophe complète, qui réoriente, je tiens quand même à le dire, les gens en psychiatrie plutôt que dire vous avez fait effectivement une maladie de Lyme et qui les soigne. Donc on a quand même un petit peu d'espoir dans ce PNDS qui, on espère, pourra avoir un rôle de jurisprudence et pouvoir faire taire certains médecins qui nous blessent et nous meurtrient. Voilà. Merci à vous. On a débordé un petit peu. Bon, ce n'est pas grave parce que c'était quand même très important là de parler de ce thème. Merci maître Fèvre. Je rappelle l'action que vous menez avec Lyme Action, donc limeaction.fr, l'adresse mail limeaction@avocatline.com. Merci maître Fouret aussi qui avait accompagné, et n'hésitez pas à revenir me voir sur le plateau pour nous dire où vous en êtes, et si il y a des personnes qui nous écoutent, qui soutiennent vos actions, c'est important. Merci Fabrice pour ton témoignage. Je rappelle, tu fais partie de Lyme donc sans frontières. Non, France Lyme, tous le même combat, hein. Ça a été l'occasion aussi de parler. C'est la même bestiole. Bien sûr. Vous pouvez nous rejoindre, nous suivre sur Facebook aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très férus de Facebook. Moi non, mais en tout cas, vous pouvez nous suivre, et c'est Maître Fouret qui anime. Lyme Action est pour Lyme Action. Voilà. Il y a des groupes fermés qui sont utiles pour les malades. Réponses, etc. Voilà. Alors n'hésitez pas justement à être sur les réseaux sociaux et pour d'autres maladies aussi. On a besoin de vous, soutenez ces actions. Merci chères auditrices, chers auditeurs. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine de la santé libre-échange. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé, elle prendra soin de vous. Merci à vous toutes et tous. Merci. Libre-échange, Sylvain Blondin.